Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 24 septembre 2021. Voici les grands titres de cette édition. Deux personnes ont été tuées la nuit dernière dans le quartier Mirango de la zone Kamenga à mairie de Bujumbura. Elles ont succombé à leurs blessures subies des suites d'une déflagration d'une grenade lancée à leur domicile. Et à Mugongo-Manga, une autre personne a été tuée. Vous entendrez les précisions du porte-parole de la police. Et dans le discours prononcé la nuit de ce jeudi à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président burundais Evariste Ndayishimiye a demandé à l'Organisation des Nations Unies de ne plus coller au Burundi des mécanismes spéciaux en matière des droits de l'homme. Et 600 élèves de la direction communale de l'enseignement de Guitaramoka en province Karoussi viennent de réintégrer l'école, alors que le nombre d'abandons dans cette province est de 10 500 pour la seule année dernière. Et dans la chronique environnement, l'on en saura davantage sur la chaîne de froid. Ce sera avec Sylvestre Manirakiza. Il est ingénieur en mécanique et thermodynamique appliquée. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, je venais de vous le dire. Trois personnes sont mortes la nuit de ce jeudi. Deux à Mirango de la zone Kamenge à Bujumbura et une autre en commune Mugongo-Manga de la province Bujumbura. La police qui donne ce bilan précise que ce sont des malfaiteurs qui ont commis ces forfaits. Suivez Désiré Ndouimana, porte-parole de la police. Ce sont des coups de malfaiteurs. C'était, je pense, un individu qui voulait voler dans des bistrots ou dans des boutiques de la place. Il est venu, il était armé d'un pistolet, une seule personne. Vous comprenez que ce n'est pas une attaque comme ça. C'était un malfaiteur. Malheureusement, il a tiré sur deux personnes qu'il a trouvées sur le lieu. Une est morte sur le champ, une autre a été évacuée à l'hôpital d'Oguaga pour les soins. Il a disparu et la police et le comité militaire de sécurité et à ses trousses. Immédiatement, les enquêtes ont été enclenchées. À Kamenge, il était question d'un marfetteur qui a lancé une grenade en domicile d'un officier. La grenade a blessé grièvement deux personnes qui étaient dans la maison, une maman et sa bonne. Malheureusement, elles ont dû succomber à leurs blessures. Ce sont des marfetteurs, ce ne sont pas des attaques. La population n'a pas raison d'avoir peur, mais plutôt il faut toujours surveiller, voir les gens qui ne sont pas identifiés dans les localités où ils se trouvent et annoncer à la police pour que celle-ci intervienne vite pour identifier la personne en question. Le journaliste Aimé Richard Nyongro de la radio Bonesha FM aurait été arrêté. Qu'en est-il de sa situation pour le moment? Bon, pour le cas d'Aimé Richard, le journaliste de Bonesha, moi j'encourage la population. C'est un bon geste qu'elle a fait. Quand la population voit un individu qui n'est pas reconnu dans une localité, c'est bien de rassurer, de savoir de qui il s'agit. Ils ont bien fait d'annoncer à la police. Dans cet endroit-là, il y avait eu un crime et on y voit une personne que l'on ne connaît pas dans la localité. Les citoyens ont alerté la police et celle-ci est intervenue rapidement. Et puis on a identifié la personne, on a trouvé que c'était un journaliste qui était peut-être venu pour collecter des informations à propos de l'incident qui avait eu lieu hier. Après quelle heure on l'a identifié, il a été décidé que la personne soit libérée. Maintenant, il est parti, je pense. C'était Désiré Ndouimana, porte-parole de la police au téléphone avec Moïse Misago. Le gouvernement burundais demande à l'ONU de ne plus coller au Burundi des mécanismes spéciaux en matière de droits de l'homme. Dans le discours du président Evariste Ndayishimiye tenu à New York la nuit de ce jeudi au cours de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il laisse entendre que la situation des droits de l'homme au Burundi est bonne. Il se réjouit aussi de la place que le pays est en train de retrouver dans le concert des nations. Plus de détails de ce discours avec Elie Nibel Nivigira. Autour des chefs des États et des gouvernements des pays membres de l'ONU, le président Evariste Ndayishimiye a appelé la communauté internationale à prêter l'attention particulière aux initiatives menées par le Burundi allant dans le sens du respect des droits de l'homme. Il note des mécanismes nationaux mis en place pour faire respecter les droits de l'homme au Burundi, dont la CVR et la CNTB, et cela pour justifier l'inutilité d'autres mécanismes internationaux spéciaux au Burundi en matière des droits de l'homme. Toute tendance de singulariser le Burundi en lui collant des mécanismes spéciaux en matière des droits de l'homme est tout simplement contre-productive. Le Burundi dispose de mécanismes nationaux à même de défendre, promouvoir et protéger les droits de l'homme. Outre la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui vient de recouvrer son statut A, nous avons l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Nous avons aussi le Conseil national pour l'unité nationale ainsi que l'institution de l'Ombudsman. Au niveau diplomatique, le numéro 1 burundais note l'engagement du Burundi à renormaliser ses relations avec les voisins et d'autres partenaires, et surtout l'Union européenne en plein dialogue politique avec Gitega, se félicite le président Évariste Ndayishimiye. Le Burundi s'est engagé à normaliser et à promouvoir ses relations d'amitié et de coopération avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux et à retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Le Burundi se félicite des progrès déjà atteints dans le processus de normalisation de ses relations d'amitié et de coopération avec l'Union européenne et ses États membres à travers un dialogue politique mené dans un esprit constructif et respectueux entre les deux parties. Le président burundais plaide également pour la considération du continent africain dans les organes du Conseil de sécurité des Nations Unies, étant donné que c'est le seul continent non représenté dans le groupe des membres permanents et sous-représenté dans la catégorie des membres non permanents, ce qui fait que l'Afrique continue de subir l'injustice historique d'exclusion dans cet organe extrêmement important, conclut le président Ndayishimiye. La direction de la société Burundi Pipeline Products déclare que les quantités de carburant saisies à la station de Gitega ce jeudi par la police avaient été cachées par les employés de cette station pour leurs propres intérêts et que donc la société n'y entend pour rien. Ces derniers devront en répondre eux-mêmes. Dans un communiqué publié jeudi et parvenu à notre rédaction, la société s'en lave les mains et demande aux autorités de poursuivre ses employés et promet de collaborer pour qu'ils soient arrêtés. Je vous l'avais dit dans les titres, 600 élèves de la direction communale de l'enseignement de Guitaramuka en province Karoussi viennent de reprendre l'école alors que le nombre d'abandons dans cette province est de 10 500 au cours de l'année scolaire passée. Le taux d'abandon enregistré les deux années précédentes serait à la base d'un taux de scolarisation bas et surtout au poste fondamental où l'on remarque très peu d'élèves dans les classes et même où il y a des classes sans aucun élève pour certains établissements scolaires. Les responsables scolaires et administratifs disent que pour faire face à ce défi, ils se sont convenus de faire retourner à l'école les enfants qui ont abandonné l'école durant les deux années scolaires passées et de suivre de près tout enfant au banc de l'école. Agriculture pour poursuivre ce journal. Il s'observe une insuffisance de semences de pommes de terre, de haricots et de soja comparativement à la demande croissante des cultivateurs. Déclaration du ministre en charge de l'agriculture ce vendredi à Kayanza. Il explique que cela est dû à l'adoption par les cultivateurs de l'usage des semences pré-base pour augmenter leur récolte. Il appelle les bureaux provinciaux de l'agriculture à prendre les devants dans la multiplication des semences pré-base. Et le 4 octobre de l'année en cours, c'est la date butoir de début de la mise en application de la stabulation permanente. Et cette date reste inchangée. C'est une annonce du ministre en charge de l'élevage ce vendredi au chef-lieu de la province Kayanza au cours d'une conférence de presse. Deogi de Rurema a indiqué que les éleveurs ont été suffisamment sensibilisés. Deogi de Rurema indique que les éleveurs ont été suffisamment sensibilisés. La suite de ce journal, certaines femmes ouvrières frontalières de la colline Rumandari en zone et commune Gitiranyi de la province Muyinga disent traverser la frontière vers la Tanzanie à la recherche de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles évoquent le manque d'emploi dans le voisinage comme raison de leur départ chez le voisin de l'Est. Donatien Runziza, un des élus à la base, explique que la recherche d'emploi en Tanzanie pour les femmes a débuté avec l'accroissement de la population dans cette localité. On suit ce reportage d'Omer Ndouayo qui les a rencontrés. genda wenyana n'amaguru kagaruka n'amaguru ni 15. Nous sommes sur la colline Rumandari, soit à un trajet de moins de 10 minutes à pied pour arriver au poste frontalier de la Tanzanie. Ces femmes qui habitent disent franchir cette frontière à la recherche du travail rémunérateur. C'est à cause de l'accroissement de la population qu'il y a un manque d'emploi ici. On préfère traverser la frontière à la recherche d'emploi. On y cherche de l'argent pour satisfaire nos besoins. Parfois, on donne des aliments non cuits comme les colcases ou des bananes. J'étais là la veille. Le salaire s'élève à 1000 shillings tanzaniens par jour. Je viens de passer 3 semaines ici. Là-bas, on travaille dans les champs. On préfère aller en Tanzanie parce qu'ici, au Burundi, il n'y a pas d'emploi. La rétention de leur salaire par les patrons est l'un des problèmes auxquels ils font face souvent, rapporte-t-elle. Seulement celles qui cherchent de l'emploi loin de la frontière se heurtent à la rétention de leur salaire. Elles disent qu'elles sont maltraitées lorsqu'elles demandent leur salaire. Le franchissement de cette frontière pour motif de recherche d'emploi en vue de satisfaire les besoins familiaux a débuté avec l'accroissement de la population. Donatien Nkurunziza, un des élus collinaires, explique que cette situation n'enclenche pas des conflits familiaux, car le départ se fait en commun accord. Les gens qui vont chercher de l'emploi en Tanzanie sont estimés à 80%, car le bon nombre des habitants de cette localité sont venus d'ailleurs et se heurtent à l'exiguïté des terres. Les besoins communs entre les Burundais et Tanzaniens, comme les fontaines, les marchés et autres, favorisent la bonne cohabitation de ces deux groupes. Merci Omer Ndouayo. Et dans la suite de ce journal, on revient sur l'éducation avec ces cas d'abandon scolaire en province de Karoussi. Et c'est avec notre correspondant Blaise Pascal Kararoumi. Les abandons scolaires au cycle 4 du fondamental s'avèrent les plus élevés que d'autres cycles, comme le montre le rapport de la direction provinciale de l'enseignement de Karoussi. Durant les 3 années scolaires précédentes, 36 726 élèves ont abandonné l'école avec 10 578 élèves qui ont quitté l'école l'année scolaire passée. Depuis l'année scolaire 2016-2017, à nos jours, la direction provinciale de l'enseignement enregistre un abandon scolaire de plus de 10% des effectifs des élèves. Le directeur provincial de l'enseignement fait savoir que les filles sont les plus nombreuses qui quittent l'école, que ce soit au niveau du cycle fondamental qu'au poste fondamental. Ferdinand signale que la pauvreté des familles est la raison principale d'abandon, mais aussi il parle de l'ignorance de certains habitants de Karoussi quant à l'importance de l'école. Certains habitants s'étonnent aussi qu'actuellement, la plupart des classes du cycle post-fondamental comptent moins d'élèves, la plupart comptant moins de 10 élèves dans une classe et même moins de 5, et quelques-unes restant actuellement vides. Au niveau de la direction provinciale de l'enseignement, on confirme que le cycle post-fondamental compte un effectif qui est bas des élèves, comptant entre 5 à 8 000 élèves seulement durant les 3 années scolaires successives. Le directeur provincial de l'enseignement et le gouverneur, comme ils l'ont dit dans une réunion de tous les partenaires de l'éducation dans la province, ils affirment qu'ils doivent fournir plus d'efforts avec tout partenaire du secteur éducatif afin de faire face à ce défi. Ils indiquent qu'ils doivent faire retourner à l'école tous les enfants qui ont quitté l'école durant les 2 années précédentes et suivre d'autres près tout enfant qui se trouvait au banc de l'école. Signalons qu'au niveau de la direction communale de l'enseignement de Gitaramuka, le directeur communal indiquait que 600 élèves sont déjà retournés au banc de l'école au début de cette année scolaire 2021-2022. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. On revient maintenant sur les explications du ministre en charge de l'agriculture, des explications données sur l'insuffisance des semences de pommes de terre, de haricots et de soja comparativement à la demande croissante des cultivateurs. Suivez le ministre Deogide Rurema. Concernant les semences traditionnelles de maïs, nous disposons de 37 tonnes 653 kg sur une demande de la part des agriculteurs de 15 tonnes 750 kg. Vous constatez ici que nous avons un surplus d'environ 22 tonnes. Pour la pomme de terre, nous disposons de 139 tonnes 933 kg de semences sur un besoin de plus de 378 tonnes. Ici, nous avons actuellement un déficit de 238 tonnes par rapport à la demande des agriculteurs. Pour les semences de haricots, nous disposons de 9 tonnes sur un besoin de 13 tonnes, donc un déficit de 4 tonnes. Le stock de semences de soja est estimé à 6 tonnes sur une demande de 7 tonnes. Le constat est qu'en général, les semences dites pré-base pour les cultures de pommes de terre, de haricots et de soja sont en quantité insuffisante. Cela est dû à l'adoption par les agriculteurs de l'utilisation des semences améliorées en réponse à l'appel du chef de l'État. Il s'observe encore une insuffisance des quantités de semences. Les multiplicateurs de semences et les bureaux provinciaux de l'agriculture et de l'élevage devraient prendre les devants dans ce travail de multiplication de semences en réponse à l'appel persistant du chef de l'État. Malgré la situation, les semences de maïs nous donnent du courage vu les quantités disponibles et celles en cours de commande. Toutes ces semences sont rendues disponibles par le biais du programme de l'État de fournir des semences à bas prix aux agriculteurs. L'État subventionne à hauteur de 40% le prix des semences et l'agriculteur paye les 60% restants. Le ministre Deogi Derurema, traduit par Armer Mutore, Deogi Derurema, qui annonce dans le même temps que le 4 octobre de l'année en cours, c'est la date butoir de début de la mise en application de la stabilisation permanente et c'est une date qui reste inchangée. Il l'a expliqué dans une conférence de presse aujourd'hui au chef-lieu de la province de Kayanza en disant que les éleveurs ont été suffisamment sensibilisés. Suivez-le, il est traduit par Evariste Nzikobanyana. Au lieu d'élever 5 ou 10 vaches de l'ancienne race qui donnent une production de 5 litres par jour, vaut mieux élever une seule vache de la race moderne qui donne une bonne production pour diminuer ces préoccupations liées à cette faible production. Vous entendez que ces 5 vaches ont une même consommation avec cette vache de la race sélectionnée. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser les éleveurs du gros bétail. J'aimerais donc annoncer que la date de la mise en application de ce programme du gouvernement portant stabilisation permanente est restée inchangée. Là où nous sommes passés, que ce soit à Mngaro, même à Bururi, nous avons expliqué à ceux qui veulent des propriétés pour y élever leurs vaches que les propriétés foncières sont destinées à d'autres projets de développement. Le ministre en charge de l'agriculture et l'élevage, Deogi Derurema, dont les propos ont été recueillis par notre correspondant Patrick Nsengi. On va à Kayanza. Radio Isanganiro, chronique environnement. La chaîne de froid est constituée de plusieurs éléments dans la chambre froide et les frigos. Selon Sylvestre Manirakiza, ingénieur en mécanique et thermodynamique appliquée, la chaîne froide contribue dans le développement durable. Il donne l'exemple de la conservation de certains produits agroalimentaires pendant une longue période et qui ne sont pas périmés. Ingénieur Manirakiza précise qu'au Burundi, cette chaîne de froid n'existe pas dans le domaine agroalimentaire, sauf des réfrigérants isolés. Il l'a dit à Vestine Boutoui. On appelle chaîne de froid toute une suite d'équipements de transport, depuis la production des produits périssables jusqu'à leur consommation. Selon Sylvestre Manirakiza, ingénieur en mécanique et thermodynamique appliquée, la chaîne de froid est faite de divers éléments, dont les chambres froides. Une chaîne de froid est constituée de chambres froides, de stockage, le transport réfrigéré, les véhicules réfrigérés, les chambres froides secondaires et les frigos ou les congélateurs. Cet ingénieur en mécanique et thermodynamique appliqué explique l'apport de la chaîne de froid dans le développement durable par une longue durée de conservation des produits agroalimentaires périssables. Dans les objectifs du développement durable que les États ont fixés, il y a la lutte contre la pauvreté et la famine dans le monde. Alors, la chaîne de froid sert à quoi? La chaîne de froid sert à stocker la nourriture. On peut produire de la nourriture en grande quantité et si ce n'est pas conservé dans des températures qui sont convenables, ces produits sont abîmés. Et surtout, que vous voyez que la plus grande partie des produits vivriers sont des produits périssables. Toutefois, Sylvestre Manirakiza précise que cette chaîne de froid n'existe pas au Burundi dans le domaine agroalimentaire, sauf dans le domaine médical. Ici au Burundi, on a encore un problème pour avoir une chaîne de froid fiable. nous avons certains équipements isolés qui ne sont pas vraiment de la chaîne de froid. Vous avez vu au marché, la viande est exposée sur les tables et les gens viennent acheter. Ils les transportent dans les sachets à des températures de 32 degrés. Et entre-temps, les enzymes sont en train de consommer les cellules. Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons des défis liés à ce secteur et l'impact de chaînes de froid sur l'environnement. Merci Vestine Botoy, merci ingénieur Sylvestre Mandelakiza pour ces éclairages sur la chaîne de froid. Ainsi se referme ce journal, mais avant de nous séparer, en actualité en RDC, des journalistes victimes de violences, des manifestants d'opposition interpellés, la répression policière le 15 septembre 2021 de la manifestation de l'opposition contre la politisation de la CENI fait réagir. Ce jeudi à Kinshasa, la Commission nationale des droits de l'homme, une institution publique, a publié un rapport dans lequel elle met en cause l'État. Et en prélude d'un nouveau rassemblement, le 29 septembre prochain, la CNDH somme les autorités de respecter la liberté de manifestation. Il est 13h18 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Jean Bosco Ndouimana au micro. Passez un très bon après-midi.